J'ai fait en hiver comme en été. J'te fais danser jusqu'à Beyrouth. Ma voix résonne de Marseille à Paris. Kerim, envoie la chicha. De la chair et de la chair, ma bien sûr qu'on aime ça. Tu connais la gimmick. Marseille, pas de clinique. Dans tous les cortèges, ça crie. Hey, what? Dis un homie.